Qui fait fait mal. J'ai pas le temps de regarder l'heure, pas le temps de lire le journal. Des bruits et de la foule. J'ai pas besoin des trucs débiles avec lesquels tout le monde roucoule. Je ne rejette pas la société, contrairement à ce que certains pensent. Mais je n'aime pas me laisser dicter les règles où j'ai perdu d'avance. J'ai bien trop faim pour avoir peur, pour reculer devant ce qui fait mal. J'ai pas le temps de regarder l'heure, pas le temps de lire le journal. Mais j'ai pas le choix, faut faire avec. Respecter les lois, les contraintes édictées par tous ces évêques qui se contrefichent de nos plaintes. Tant bien que mal, je me faufile pour ne pas rester à la traîne. Et même si je trouve ça débile, je fonce tête baissée dans l'arène. J'ai bien trop faim pour avoir peur, pour reculer devant ce qui fait mal. J'ai pas le temps de regarder l'heure, pas le temps de lire le journal, pas le temps de lire le journal. Thank you. I know. When Rasta broke at the break of dawn, look at your window, now begun. You are the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. It ain't no hurting turning on your light, babe. That light I never know. It ain't no hurting turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still I with what the people do. Thank you. Right order from my son. Every day I have to cry. There was only the boy I planned to marry. This was my love, I didn't want to share it. I thought that love would make my life bright and sunny. He said he could love because he did not have no money. Every day I have to cry, son. Every day I have to cry, son. Try to hold it from my son. Every day I have to cry. So every day I have to cry. Every day I have to cry. Cry the water from my soul. Every day I have to cry. Préparer le café noir, les nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu le sais bien, et je suis déjà pas un saint.